Bonjour. Donc, je vais attendre un peu. Il y a des gens arrivent. Puis, bon, on verra. On verra de quoi on parle. Bonjour, Monsieur Pinard. Bonjour, Joey. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? Ça peut être n'importe quoi. Bonjour, Martin. Monsieur Saint-André. Je n'ai pas de sujet vraiment. Pas de sujet vraiment. Je vais pas regarder. Je vais pas regarder les médias. Des sujets normaux. Ça dépend. Pas que ce soit sans intérêt non plus. La cueillette des fraises, on va faire le tour. On va être vite là. Qui définit la norme. Bon. Donc, est-ce que c'est intéressant? C'est ça, là. Parce que, bon, ben, on peut parler de la météo. Est-ce que c'est un sujet normal? Bonjour, Monsieur de Saint-Michel. Donc, bon, ben non, moi, je n'ai pas de sujet. Il se passe rien d'assez intéressant. Comment passer au-dessus d'une maladie physique qui est douloureuse malgré que nous ne sommes pas qu'un corps physique? C'est du cas par cas. Vraiment. Ça dépend toujours. Au fond, là, c'est du cas par cas. Mais souvent, ben, j'ai vu des cas que les gens avaient des maladies douloureuses, mais on dirait que c'était tombé sur des gens qui avaient la capacité de le contenir. Donc, bonjour Louise. Donc, c'est quoi le sujet de l'heure, les maladies physiques? Non, on vit quand même à une époque où c'est pas si mal. C'est pas si mal, là, le jeu des maladies physiques. Bon, notre système. Peut-être pas parfait, là, mais bon. La météo, moi, c'est pas très intéressant. Bon, ici, il pleut. En plein mois de février. Ce que j'ai jamais vu encore. C'est pas désespoir. Avec Carson, toute la gang. Moi, Tucker Carlson, à mes yeux, c'est un peu comme un animateur de foule. Donc, bonjour Claudine. Ben non, Tucker Carlson, c'est un show, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Donc, c'est ça. Bon, il est allé interviewer Poutine. Je vois pas ce qu'il y a de paniquant. Je vois pas. Il y en a, ils parlent un coup d'État médiatique. Non, même pas. Même pas. Hein? S'il y a eu des affaires comme Mockingbird dans tout ce qui est les médias traditionnels, puis ce, depuis très longtemps, ça fait un bout de temps, là, imaginez que les médias alternatifs aussi, ça existe. Mockingbird, puis ces choses-là. Pourquoi? C'est le contraire qui serait étonnant. C'est le contraire qui serait étonnant. Bonjour, monsieur Bertrand. Donc, bon, c'est tout du spectacle. À mes yeux, c'est tout du spectacle. C'est de la mise en scène. Faut qu'on y croie à Poutine. En tant que, à la fois, vous savez, le but, c'est pas que vous êtes. Soit vous avez peur de lui, vous avez peur de lui, soit vous êtes de son côté, vous pensez que c'est un bon bonhomme. Puis personnellement, je pense que quelqu'un de lucide à propos de ça va être ni un d'un côté ni de l'autre. Hein? Bonjour Nathalie. Poutine. À 14 ans, il voulait déjà être agent du KGB, là. Une personnalité spéciale. Dis pas que je l'aime pas, mais faut pas être dupe non plus. Faut pas être dupe non plus. Dans le sens que quoi, Poutine, c'est moins Davos que les autres. Je veux dire, sans Poutine, il y a une partie de ce qui se passe maintenant qui serait impossible. Il fait une bonne job. Il fait une bonne job. Hein? S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passerait en ce moment au Moyen-Orient, au Proche-Orient? Alors, vaut-il mieux prêcher la paix ou la guerre? Qu'est-ce que vous voulez que je prêche? Moi, je prêche l'un et l'autre. Dans le sens, c'est pas des choses qui concernent l'individu autrement qu'au niveau du contexte. Dans le sens que, qu'on prêche un ou l'autre, ça va empêcher quoi? Dans le sens que, si tout est décidé derrière des portes closes, puis que le reste, c'est de la mise en place, qu'on prêche un ou l'autre, on est fait. Dans le sens que, ben, entre autres, pour polariser, c'est justement pour que vous prêchiez un ou l'autre. Mais c'est un peu comme quand il y avait le conflit, prenez le conflit avec le Vietnam. Bon, les objecteurs de pensée, de conscience, les objecteurs de conscience, jusqu'à un certain point, ils aidaient la propagande, ça polarisait les choses. Donc, mais je me rappelle pas de fait marquant où il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit « Je suis né dans un camp ou dans l'autre, c'est de la manipulation, les deux. » Donc, la paix, ça fait moins de morts, je sais pas, pour certains. Prenez l'oisiveté, la crise des opioïdes, ça fait moins de morts que la guerre. C'est dangereux la paix dans le sens que vous avez des gens qui n'ont pas de but. Ça crée de l'oisiveté. Chose vous voyez là. Ben, ce que je veux dire, c'est que les gens meurent pareil, là. Il y en a, ils meurent d'ennui. La crise des opioïdes, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Bon, un peu. C'est un peu ça. Justement, j'ai fait ça. J'ai été objecteur de conscience, ah oui, puis ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Prenez Jane Fonda. Prenez Jane Fonda. Est-ce que c'était quelqu'un qu'on peut dire objecteur de conscience? À mes yeux, elle a un peu, comment je pourrais dire ça, elle a servi ce théâtre-là. Ça prenait deux côtés, ça prend deux côtés. Dans un théâtre. Donc, bonjour Ariane. En début d'après-midi, je suis occupé. J'écoute en différé. Bon, ben, bonne journée à vous. Donc, la crise des opioïdes, ça s'en vient en France. Ça va être répandu dans les rues, c'est ce que ceux que vous appelez de la racaille là, qui vont servir à ça. Les jeunes en survêtement sport là, qui se tiennent dans les lobbies d'immeubles. Des cités, c'est eux qui vont servir c'est eux qui vont servir à faire entrer à répandre sur le terrain les opioïdes en France. Donc ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que vous savez, ils l'ont testé en Amérique du Nord, plus ça va être en Europe, là. Parce que ça fonctionne. Puis c'est ça. Donc désolé, mais c'est. Il y a des bonnes chances aussi que la drogue en passe par certains pays qui sont des anciennes colonies françaises. Au niveau de la mise en place par rapport à certaines agentures, moi, c'est comme ça que je procéderai. C'est-à-dire que je suis pas mal sûr que c'est ça qu'ils vont faire. Hein? Parce que quand je regarde des choses comme ça, je me demande tout le temps, OK, si j'étais. J'avais les mêmes intérêts. Comment j'ai les opioïdes? Puis vous allez voir que pas besoin d'être consommateur de drogue dure pour faire un overdose d'opioïdes. Ben ça, c'est dans, on va dire, un an et demi. À peu près, là. Votre santé, oh, moi, ça va bien, la santé. Ça va très bien, même. J'ai rien à dire. Ben, franchement, assez normal. Donc, la crise des opioïdes, à quoi ça sert? Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Prenez, si on regarde le fascisme comme Mussolini. Bon. Le fascisme comme Mussolini, il va y avoir une alliance, une conjoncture entre des corporations puis l'État. Ça, c'est le vrai fascisme. C'est-à-dire que des compagnies privées puis le gouvernement sont ensemble. C'est un peu ça, là. Dans le fond. Puis aujourd'hui, bon, on considère qu'on a un gouvernement, on va dire une instance, une entité, ce qu'on pourrait dire une sorte d'hégémon, ou comment qu'il appelait ça, là, un Léviathan. Je parle pas au sens les monstres marins, mais au sens. En tout cas. Ceux qui ont lu certaines affaires. Donc, ce gouvernement transnational-là, c'est certain qu'il est fasciste quelque part. Dans le sens qu'il y a des corporations privées. Prenez dans le sens le militaro-industriel puis le pharmaco-chimique. C'est ensemble. Aujourd'hui, à notre époque, c'est comme ça. Il n'y a pas de séparation au niveau des intérêts. Donc, la crise des opioïdes, elle sert à quoi? En quoi au niveau du militaro-industriel puis du pharmaco-chimique? C'est quoi l'intérêt? C'est ça les questions que je vous dis. Dans le sens que, ben, moi, je trouve ça clair. Je trouve ça clair, c'est... Même, il y a des choses là-dedans que c'est évident. Bonjour, Mimi. Mais c'est ça, là. C'est dans le sens que les populations, c'est quoi les populations? Si je vous dis... On a un gouvernement qui est ce qui est plus fonctionnel au niveau systémique dans le fascisme, c'est-à-dire le lien entre les corporations, puis l'État ou les agentures, et aussi ce qui a eu de pire au niveau extrême-gauche. Mais là, ça va servir au niveau idéologie. Parce que l'expertise de la gauche là-dedans, c'est au niveau idéologique. C'est au niveau du contrôle, là. Tandis que là, ça a fusionné avec d'autres expertises qui sont plus liées à l'industrie, entre autres, la mise en place, une certaine façon de voir, de mettre en place des structures de mise en application. Donc, il n'y a plus question de gauche ou de droite, ça existe juste au niveau de l'idéologie, puis ça, c'est pour le peuple. Les idéologies, les gens qui nous gouvernent, ils n'ont pas vraiment d'idéologie. Les idéologies, c'est pour le peuple. Vous savez, anciennement, bon, les marxistes disaient la religion, c'est l'opium du peuple. Mais si on observe ce qui a été considéré par Gustave Le Bon, il n'y a pas de différence entre les religions et des idéologies. Ça aboutit au même genre de comportement. Bonjour, Lucie. Donc, je veux dire, là, vous voyez dans les médias, puis dans la société en général, vous voyez un combat idéologique. Vous voyez des combats idéologiques. Ça, ça en est de l'opium, puis c'est pour occuper les gens. Parce qu'au niveau de ceux qui gouvernent vraiment, ils n'ont pas d'idéologie gauche ou droite, là. Ça, c'est des affaires, c'est pour occuper la population. Entre autres, la casse des clercs, là, en parenthèse, là. Les intellectuels qui n'en sont pas vraiment. Mais bon, justement, grâce à ça. Donc, c'est les universités qui servent. L'opium du peuple aujourd'hui, c'est les universités au lieu des églises. Puis c'est des idéologies. Dans le sens que, au lieu de croire en des forces surnaturelles, bon, on va croire en des forces sociales, en des forces idéologiques. Pourquoi je parle de ça? Donc? Bon, en tout cas, je pense que vous voyez un peu, là. Donc, l'affaire, vous êtes pour la guerre, vous êtes contre la guerre, peu importe, vous êtes de quel côté, vous êtes manipulé. Parce que avant d'être d'un côté ou de l'autre, il faut comprendre pourquoi le contexte, puis qui est vraiment intérêt à ça. Pourquoi c'est la guerre? Pourquoi qu'on s'en va vers une guerre? Ben, ça va être justifié au niveau économique, entre autres. Puis ça, c'est pas au niveau du peuple, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que au niveau de certains types de personnes, que c'est de l'opinion, mais au-delà de l'opinion générale du peuple, ceux du monde sont un petit peu plus au courant. Eux, ça va leur être vendu comme pour des raisons économiques. Les Américains sont en faillite. Les Américains sont extrêmement endettés, puis ça a été voulu comme ça. Ça a été voulu comme ça parce qu'il y a certaines instances maintenant qui font partie des forces de la société américaine qui n'auront pas le choix puis qui vont avoir intérêt d'entrer en guerre. Puis ils vont préférer se fermer les yeux pour entrer en guerre. C'est comme ça. Les États-Unis, il faut comprendre que c'est une forme de féodalité quelque part. Pas dans le sens hiérarchique, mais dans le sens qu'il y a une aristocratie américaine. Il y a une aristocratie américaine qui vient de la vieille Europe. Prenez des familles comme. Même pas les Kennedy, je vois pas ça comme. Non, c'est un peu comme. C'est trop récent. C'est vraiment l'aristocratie américaine. Pas vraiment. Parce que dans le fond, c'est de basse extraction. C'est-à-dire que les Kennedy, c'est des trafiquants d'alcool. À la base, sont regardés de haut. Tandis que vous avez d'autres familles comme les Vanderbilt, ces affaires-là. Là, vous tombez dans la vraie aristocratie là, américaine. Bon, ces familles-là, ils ont un certain poids. Ils ont un certain poids. Mais sont pas nécessairement d'accord avec l'idée d'emmener les Américains en guerre, qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ils sont pas nécessairement d'accord. Donc, ceux qui sont à la tête des agentures, faut qu'ils forcent la main. Il faut qu'ils mettent en contexte, il faut qu'ils mettent en condition cette famille-là d'appuyer. Puis les raisons, ça va être des raisons économiques. Ça va, c'est l'économie qui sert de prétexte pour que cette partie-là de la société embarque. Prenez, si on regarde l'espèce d'aristocratie au Canada. Au Canada, c'est une aristocratie corporative, entre autres. Prenez le couple qui a été assassiné, les Sherman. Le couple Sherman, qui était des milliardaires. Bon, quand ils sont morts, il y en a d'autres, c'est eux autres qui avaient le brevet de l'hydroxychloroquine pour l'Amérique du Nord. Puis dans ceux qui avaient intérêt à ce qu'ils se fassent tuer, il y a Trudeau. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est tout de la merde, ça. Puis j'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Puis qui a sorti ça? Qui est allé mettre des rumeurs comme quoi que les Sherman avaient été assassinés par Trudeau? C'est quoi, d'où ça sort, ça? C'est-tu vraiment eux qui avaient le brevet pour l'hydroxychloroquine ou non? Il y en a qui ont balancé dans le public des rumeurs, puis ont ignoré exprès certains faits par rapport à cette famille-là au niveau de l'interne. Les conflits internes. En tout cas. Hein? Je sais pas d'où ça sort. Ben, moi, le premier que j'ai vu parler de ça, puis que j'écoute depuis des années, c'est un monsieur qui s'appelle Alexis. C'était très grave sortir des affaires de même, mais surtout, il n'y a rien. Il n'y a pas de piste. Puis bon. Bonjour, Samab. Ça vient. Un petit peu gros, un petit peu gros. Mais dans le fond, pensez-vous vraiment que Trudeau, bon, en tout cas, je veux dire, la façon dont il a été retrouvé, puis moi je vois une mise en scène et on a voulu les humilier. C'est quelqu'un d'assez proche qui a fait face. En tout cas. Ok, moi non plus, je n'allais pas écouter longtemps. Ouais. Quelque chose, quoi. Dans le sens que, ben, premièrement, c'est-tu vraiment Apotex qui avait les brevets pour l'hydroxychloroquine en Amérique du Nord? Il faudrait premièrement vérifier ça, là, avant de dire ça. La compagnie Apotex, ouais, c'était pas petit, mais tout, mais il y avait leurs brevets, je veux dire, il y avait leur liste de brevets publics, là. On sait c'est quoi les médicaments qui. qui avait l'exclusivité. De toute façon, bon, vous avez un couple de juifs milliardaires qui se font assassiner tout de suite. Tout de suite, les gens, ils aiment ça, hein, ils aiment ça, ça. Tout de suite, ils se mettent l'imagination part. Mais c'en est ça de l'aristocratie canadienne. Les Sherman ou les Reichman, les frères Reichman. Là, on tombe dans de pire. Ben, franchement, là, les Sherman, je trouve que c'est du bon monde. C'était déjà très bien. Peut-être pas un goût extraordinaire, là. Mais bon, souvent, les gens riches ont des goûts. Ça dépend, là, hein? Bonjour, Vladimir. Comment ça s'est rendu écran cyrillique? Je suis pas capable de lire ça, là. Ouais. Donc, est-ce que, bon, pourquoi on parlait de ça? Pourquoi on parlait de ça? Ouais, oui, il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre. Les Américains ils se sont fait endetter exprès. C'est ça qui va servir de prétexte pour qu'une certaine partie de la société américaine accepte que c'est l'argument béton. Vladimir, ben c'est comme ça que j'avais dit. Okay. Donc, prenez l'Iran. L'Iran. Pourquoi c'est un problème, l'Iran? Parce qu'on en avait besoin. On en avait besoin. Tu sais, est-ce que c'était nécessaire pour acheter le chat? Dans le temps du chat d'Iran, l'Iran, c'était pas si pire, pas si mal. Les ayatollahs, prenez Khomeini. Khomeini, moi, je constate qu'il était formé en Angleterre. Il y a des photos de lui, il est en habit anglais. Il est en habit anglais en tweed. On dirait Sean Connery. Quand j'étais enfant, je pensais que l'ayatollah Khomeini, c'était Sean Connery qui le jouait. Hein? Bon, bonjour Fatima. À tous les vivants du chat. Bon, je pense pas qu'il y ait de gens morts. Donc, est-ce qu'il y a des sujets par rapport à ça? Au fond, parce qu'on le veuille ou pas, ils vont diaboliser l'Iran. Ils vont. C'était quoi? Prenez Macron. Prenez le parallèle entre les États-Unis et Macron. Il a travaillé pourquoi? Pour endetter la France. C'était son travail. C'est d'endetter la France. Pareil comme Trudeau au Canada. Ces gens-là travaillent pour des institutions financières transnationales. C'est aussi simple que ça. Prenez Trudeau père dans les années 70, il fait passer ses lois un peu bon. Puis après, le fils, lui, il est en dette. Bon. C'était ça le but. C'était ça le but. Vous me demandez pourquoi Trudeau il avait tellement d'argent pendant la pandémie. Ben oui, mais c'est de la dette. C'est de la dette, puis c'est voulu. C'est l'argent des gens. En tout cas, avez-vous écouté l'interview de M. Carlson? Non, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Tucker Carlson, à mes yeux, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Même moi, je considère de se faire mettre dehors de Fox, ça lui a donné une certaine crédibilité. C'est un peu comme si ça le sanctifiait pour entrer sur le terrain des médias alternatifs puis d'Internet. Puis je me demande si c'était pas stratégiquement voulu comme ça. Regardez quand il était allé en Alberta, Tucker Carlson, il était allé chialer que l'héritage anglophone de Montréal est en train de disparaître. Quel imbécile, lui. Il pense que Montréal, ça a été fondé par les Britanniques. Asti de crétins. C'est des crétins. Ne nous laissons pas impressionner par ces gens-là qui viennent ici. Ne nous laissons pas faire la leçon par des ignares. Des ignares puis des gens incultes. Des hosties d'Américains sales. On n'a pas d'affaire à se mettre à genoux en avant de ça. Jamais. Mais Tucker Carlson, là, il a beau être millionnaire, il a beau être multimillionnaire, il a beau être connu partout dans le monde, il a beau avoir été présentateur de Fox News, c'est une servante. c'est une bonne niche, puis on n'a pas à être impressionné par ça d'aucune façon. D'aucune façon. Donc, jouer pour vous. Pour vous répondre, connaissez-vous les CDS, chlorure de sodium? C'est vraiment fabuleux. C'est pas ça l'affaire qui goûte. Bon, ma blonde, elle fait venir de quoi ça goûte méchant. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est peut-être ça, là. À mon avis, c'est plus un concours de circonstances qui l'a amené à voir cette interview. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est une stratégie de communication. Reste à savoir mis en place par quoi. C'est tout, là. Puis lui, est-ce qu'il est au courant ou pas? C'est pas important. Là. C'est dur de leur faire confiance à toutes ces vedettes, car Carlson est une vedette. Ouais, ben, il y a vedette puis vedette, là. Hein? Prenez au Québec. Au Québec, quand ils veulent nous parler de la vaccination, puis tout, ils nous font venir qui? L'entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis, il connaît quoi, lui, en santé? Qu'est-ce que ça vient faire? Vous voyez comment on est considéré comme des imbéciles par les gens qui nous gouvernent? Nous, on va prendre le coach canadien. Martin Saint-Louis, à mes yeux, c'est un imbécile pincraté. Je m'en fous qu'il vale des millions. C'est pas lui qui va venir m'expliquer ma santé. Voyons, là. Prenez l'autre à la télévision, le Carly. Les servent plus à rien, Carly, là. Carly, il ne va pas parler, lui, que Emma Québec, le sang qui ramasse les dons, le plasma, s'est revendu à des compagnies privées, puis c'est un marché, c'est incroyable, l'argent. Fait avec du sang donné par les gens. C'est un racket, là, à un moment donné, quelque part. C'est le racket du sang. Lui, il était à la TV, je peux nous parler du plasma, l'importance des dons de plasma. C'est des compagnies privées qui font des médicaments avec les dons de plasma, gros crise de porc. T'es un lobbyiste, c'est ça que t'es, Carly, avec ton sarreau. Gros crise de... Dès que je le vois à TV... Hein? Bon, en tout cas. Mais à mon avis, c'est plus... OK. C'est dur, moi. Hein? Ceci dit, il pose les bonnes questions parfois. Ouais. Moi, j'ai bien de la misère. Bon, le Québec libre. Ce monde est de pire en pire, t'es out cinéma. Ils sont arrogants. Je sais pas, dans le fond, ceux qu'on voit. Les serviteurs sont arrogants. La délivrance, on en est. Incarcération. Ben, moi, je me sens pas incarcéré. Les stars du show. Show baise, moi. Toc. Tocker encore. C'est un petit peu hier que tout est programmé. Ouais. En Chine, de Wuhan, usine de 7 étages de cochons qui gavent et après charcuterie. Bon, vous savez, les Chinois, puis les porcs. En tout cas, ça dépend de quoi on parle. Il faut quand même connaître, reconnaître que Tucker est plus intègre que la majorité des journalistes qu'on a. Je pourrais pas dire. C'est un journaliste, vraiment. C'est quoi un journaliste? Hein? C'est un animateur de banquet de mariage, Tucker Carlson. Est-ce que c'est ça un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain pour investiguer puis qui ramène des faits. C'est un journaliste. Dans le sens, entre autres, là, ça peut être, il y a différents niveaux. Mais moi, à mes yeux, ce qui fait Tucker Carlson, je vois pas ça comme un journaliste. C'est un type d'information qui est écrit par les États-Unis, les Américains, qui est l'information spectacle. Sur la version télévisuelle des tabloïdes britanniques. Quelque part, là, d'une certaine façon, est-ce que c'est du journalisme? Est-ce que Pierre Bruno, c'est du journalisme? Je veux dire, bon, il n'est plus là, mais je veux dire, être devant une caméra puis lire des affaires, C'est travailler dans le journalisme, est-ce que ça en est un? Tucker Carlson, c'est quand la dernière fois qu'il a fait du journaliste d'enquête lui-même? C'est un peu un vendeur de téléachat, sauf que c'est des nouvelles. En tout cas, moi je le vois de même. En tout cas, il faut quand même, moi. Parce que l'information spectacle, ça a rapport justement avec la façon dont les agentures ont infiltré les médias. Dans le sens que ça va être plus facile. La propagande est encore mieux si le public. Comment je pourrais dire ça? On peut en faire du fast-food, ça, de la propagande fast-food, de l'information dans ce sens-là. Hein? Un lecteur de nouvelles, moi, même plus loin que ça, c'est un animateur. C'est comme Johnny Carson, là. Des affaires de même, là, un peu. C'est pourquoi qu'il interview. Il a interviewé Poutine comme c'était une vedette. Est-ce que c'est un travail de fond de reporter? Non. Je veux dire, il aurait pu l'interviewer pour le magazine Madame, ça aurait fait pareil. Ça aurait été pareil. Eh bien, pour l'histoire du Capitole, il a fait l'enquête. C'est grâce à lui qu'on a eu les images des caméras. Il y a eu, pour avoir les images des caméras au Capitole, il a fallu que. Il y a eu des gens qui. Il a fallu qu'il y ait des gens qu'au niveau légal qui envoient des injonctions en mettant en cause des lois par rapport à l'accès à l'information. Est-ce que c'est Tucker Carlson lui-même qui a fait ça? Je ne suis pas sûr. Dans le fond, là. Mais moi, juste l'affaire qui est allée chialer que Montréal est en train de perdre son héritage anglais, là. Peu importe ce qu'il fait là, dans l'avenir, peu importe ce qu'il fait, j'ai aucune confiance en un cave de même. Aller dire un enfant de même. Quel imbécile. Quel imbécile. Que ce soit volontaire ou pas, là. Que ce soit volontaire ou pas, qu'ils restent donc chez eux. Prenez quand les Clinton ils viennent en vacances au Québec. Les gens sont tous contents de les recevoir. Puis de. On n'a pas de fierté ou quoi? Moi, avoir un hôtel, puis les Clinton réservent, on est complet, là, on va aller ailleurs. Je m'en fous. Même si tu me payes 350 000 la nuit, je m'en fous. Tu vas aller ailleurs. On reçoit ces gens-là, mais. En tout cas. Hein? La vérité mérite bien un show. Moi, mais justement, c'est parce que la vérité n'a pas besoin de show. C'est pour ça que je me méfie quand c'est un show. Plein de personnes avaient diffusé les images. Bon. Allô, connaissez-vous Thierry Message? Un petit quelque chose, une émission de courrier des stratèges. Et une autre émission avec. Indy. Intéressant, on dirait un espion, mais sympa. J'ai vu qu'il était GD. Ah, Grand Orient de bon. Ça me dit quelque chose, mais bien franchement, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas plusieurs millions d'auditeurs. Justement, c'est d'eux que je veux me méfier. C'est les agentures au niveau d'opérations de com, ils décident qu'ils font des opérations de com dans le public, ils vont aller voir ça. Les gens qui ont plusieurs millions d'auditeurs. Donc, non, il a démontré à plusieurs reprises Tucker Carlson que c'était un show. Là. Moi, j'ai aucune confiance comme l'autre, là. Comment il s'appelle? Alex Jones. Alex Jones. Aucune confiance en ça, ce gars-là. C'est un peu le côté. C'est un peu la version droite de Michael Moore. Je le vois comme ça. C'est des opérations, puis ça polarise. Si vous êtes à gauche, vous allez aimer mieux l'autre gros cochon. Si vous êtes à droite, vous allez aimer l'autre gros cochon. Chacun son cochon. Donc, Bon, mais c'est dommage, mais non, j'ai aucune confiance. Vraiment aucune confiance. Parce qu'aux États-Unis, la dissidence est tout le temps instrumentalisée. Et jamais. Il y a tout le temps une raison. Il y a tout le temps quelque chose. J'ai jamais vu une. Prenez. Moi, ça m'a fait rire. Dernièrement, il y en a un là, que je nommerai pas, qui demande des dons, puis des dons, puis des dons, puis dit à ses auditeurs, dit. Faites-moi des dons comme ça, vous allez faire partie de la résistance. C'est incroyable, est-ce qu'on est rendu idiot à ce point-là? Non, non, vous pouvez faire partie d'une dissidence. C'est-à-dire que vous vous opposez à. Mais de la résistance, une résistance, c'est actif. De la résistance, c'est actif, c'est organisé, puis c'est armé. C'est ça, de la résistance. Hein? Ça n'a pas rapport avec la résistance, ce que vous faites. Dans le sens que tous ceux qui se disent résistants à la résistance, pas ça de la résistance. Puis le fait que vous pensez que c'est ça de la résistance, ça montre comment que justement ça fonctionne très bien. Ce qu'on pourrait dire jusqu'à un certain point, le contrôle du langage. Parce que c'est pas ça. Ça, c'est de la dissidence. C'est de la dissidence. Puis, ouais, elle est bien molle. Non, c'est pas ça. Moi, je pense pas que nos gouvernants sont inquiets. Pas du tout. Hein? Même chose pour G7 qui s'était passé au manoir Richelieu à la Malbaie en 2018. Je travaillais. Ah oui, c'est exagéré à quel point les gens étaient fiers. Ben, j'ai vu ça, moi, des banquets, des soupers, puis des. Bon. C'est d'écouter les conversations. Puis là, on se rend compte à quel point c'est du monde. En tout cas. Oh, Alex Jones demande à Alex Jones qui est responsable pour l'ouverture du dépanneur au coin de chez lui. 2 minutes en retard de l'heure habituelle. Il va blâmer la Chine. Je sais pas, mais Alex Jones. Prenez l'affaire. Il y en a eu des oh, ben, c'est lui qui a sorti les affaires par rapport au. Voyons comment ça s'appelle ça. Ça, c'est comme un gros club. Dans les Adirondacks, là, les. Bon, en tout cas, ben, ça, là, c'est des petites niaiseries. Vraiment, là. Il n'y a pas grand-chose, là. Dans le sens que c'est. Il n'y a rien là. Le meilleur moyen de protéger quelque chose, c'est de le rendre toi-même public. C'est-à-dire que, admettons que moi, j'ai des petits secrets, ben, plus ou moins secrets. J'ai des petits secrets. Puis, je veux avoir le contrôle au niveau de l'information par rapport à mes petits secrets. Ben, je vais le rendre public moi-même, par mes propres agents. Comme ça, je garde un contrôle total sur. C'est comme un pouvoir total. Dans un pouvoir total, vous contrôlez la dissidence. Même si elle est polarisée contre vous, elle ne le sait pas, mais c'est vous qui. C'est vous qui, dans le fond, qui l'a commandité, mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. C'est une façon de garder un contrôle total sur tout. C'est pour ça qu'il y en a dit, gardez vos amis près de vous, encore plus près de vous, vos ennemis. C'est ça, là, à un moment donné, là. Hein? Moi, je préfère. Un tocard à nos idiots de journaleux au Québec. C'est plus une question. C'est plus une question de droite ou gauche, présentement. Ben, moi, je pense que c'est tout pareil. C'est tout pareil. Ben, franchement. Non, Ah, non, Tucker Carlson, j'ai aucune confiance. C'est un show. C'est un show. Puis ça marche. Ça marche. Je veux dire, ben c'est ça. C'est ça. Pourquoi Trump, je comprends pas, moi, Trump, il a fait campagne pour les Clinton, il a tout le temps été démocrate comme son père et son grand-père, puis c'est des démocrates de New York, les Trump. Puis là, tout d'un coup, il est complètement reviré de bord, c'est complètement autre chose. Il est rendu républicain, il est rendu à Trump, et j'y crois pas 2 secondes. Puis Tucker Carlson, c'est la même affaire, puis lui, il est là pour nous vendre ça. Moi, je le vois de même. Je me méfie. Mais même, je me méfie. C'est une façon de parler. C'est pas que je me méfie tant que ça. Dans le sens, je trouve que c'est évident. Je trouve que c'est évident. Trump, là, si c'était vraiment un problème, il serait mort. Pas politiquement, là. Il serait mort. Mort. Mort, mort, mort, mort, mort. Mort, mort, mort, mort. C'est la partie qui, donc, a fait bâtir Mar-a-Lago? Une drôle d'idée d'aller racheter ça quand on connaît l'histoire de la maison. Est-ce que j'ai le colonial espagnol? Je trouve ça tellement laid. C'est tellement laid. Bon, c'est une question de goût. Hein. Juste racheter ça. Là. Ok, tout est un show. Ben oui. Ben oui. Là, c'est pour voir si des mots sont bannis. 75% du contenu Internet est de la phonographie qu'elle utilise à la porno. Pour les forces. Quelle utilité elle a pour nous, pour les forces? Ben, c'est la même utilité que pour le reste. Dans le sens que ben, c'est lié à votre programmation, puis ils vont servir de ça pour engendrer des situations. Puis, ben, c'est ça, c'est comme le reste. Même la nourriture, tout. On entre deux, on est entre deux pas encore dans un truc total. Auteur met en bascule, les gens n'osent plus discuter en public. C'est un des signes. Oui, mais même là, ils vont discuter de. Ce qui est discuté dans le public, c'est des. Prenez. Bon, ils servent à quoi les médias? Eux autres, ils vont vous donner des faux sujets de débat. Et c'est eux autres qui vous donnent les sujets de débat. Ensuite, bon, là, vous débattez de vous autres au niveau de votre social, mais ce que vous débattez puis ce que vous discutez, c'est pas réel. Ceux qui contrôlent l'information, c'est eux autres qui décident c'est quoi qui va être le sujet de l'heure. Puis le sujet de l'heure, c'est jamais le vrai. C'est jamais le vrai sujet de l'heure. Puis pendant que. Puis ça va tout le temps être lié sur les mêmes tactiques, la polarisation, c'est-à-dire que vous êtes dans un camp, soit dans l'autre. C'est ça le but. Tant que vous êtes dans un camp ou dans l'autre, vous ne voyez pas, là, qu'au fond, il y a juste un camp. Il y a juste un camp qui au fond, qui instrumentalise la polarité de la supposée multiplicité des camps. Que mes yeux, c'est une illusion. Puis c'est des opérations de com. Donc, on a un Tucker Carlson au Québec. Tant qu'à moi. Alors, on va finir par se chicaner. Si je parle de ça, mais Chris, il y a des affaires, c'est louche. C'est louche. Je comprends pas ça, moi. Comment ça, les frères Rose vont en prison? Mais l'autre, lui, non, exil à Cuba. Va venir au monde à Cuba. Dans les mêmes années que Margaret Trudeau allait là en vacances avec Justin. Puis. Je sais pas, juste là, il y a des affaires, c'est pas clair. C'est pas clair, ça n'a jamais été mon clair, on compte, je suis pas sûr. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas. Imagine, quand connaissez-vous beaucoup, vous, des Québécois qui ont la nationalité cubaine? Parce que une affaire d'exil, puis de traitement de faveur, là, pas à peu près. Pas à peu près. Puis les autres, ils n'ont pas eu ça, là. Pourquoi? Pourquoi? C'est infiltré dès le début, cette affaire-là. En tout cas. Peu, moi. Le troisième camp. Il n'y a pas de troisième camp. Dans le fond. Ben, si vous êtes pour le beau, le bon, le vrai, vous êtes le troisième camp. Mais lui, il ne peut même pas être défini comme camp. Au fond. Un monde manichéen. Moi, qu'on nous impose, est-ce réel? Est-ce que c'est réel? Tucker sert à cela, maintenir la polarisation. Ouais. Ben, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Bonjour, Charles. Rien de nouveau sous le soleil. Moi, hein, au-dessus du soleil. Il peut y avoir du nouveau. Bon, on a été conditionné à penser qu'il n'y a rien. au-dessus du soleil. Mais moi, ce que je vous dis, c'est trop facile. C'est bien trop facile. Prenez les deux journalistes qui avaient rendu public les trafics de drogue de la CIA. Ils ont été obligés de se sauver des États-Unis. Leur vie est en danger. Ils seraient morts. Puis même une fois rendu à l'étranger, il est en danger de mort. Il est en danger de mort. Tucker Carlson, est-ce qu'il vous semble en danger de mort? Selon vous, est-ce qu'il est en danger de mort, ce gars-là, ce grand journaliste-là qui a révélé des choses effroyables? Est-ce qu'il est en danger de mort? Est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui est en danger de mort? Pas du tout. Moi, je pense que c'est les agentures américaines, entre autres, qui le protègent. Au contraire. Au contraire. Ah, la déception va être moins. Ici, je parle dans le monde, moins. Eh bien, c'est dur à dire. Quand même un point neutre, disons. Il y a un point neutre. Quoi, c'est de, comme Julian Assange. Julian Assange, moi, j'ai rien contre lui, mais je pense qu'il a été instrumentalisé. Je pense qu'il a été conditionné pour faire ce qu'il a fait. Puis celui qui paye pour, c'est lui. Pourquoi il ne libère pas? C'est une autre affaire sur Trump. Pourquoi il ne protège pas Assange, qu'il ne l'a pas libéré, qu'il ne l'a pas... Comment ça, Assange, il n'est pas protégé aux États par les Américains? Puis... Comment ça, donc? Comment ça, donc? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi Trump il a fait autoriser le remdesivir comme le proposait Fauci? Que c'est des milliers de personnes qui sont mortes les reins bouchés, là. Des milliers de personnes. C'est Trump qui a autorisé ça. Moi, quand il a autorisé ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? J'étais tellement en colère. Si moi, je le sais que c'est dangereux, lui, il est supposé le savoir, expliquez-moi ça. C'est irréconciliable, hein? C'est irréconciliable. Parce que moi, je ne suis pas persuadé que Trump, c'est un show et que c'est de la manipulation. J'en suis même pas persuadé. J'étais à un point où je suis sûr. J'ai zéro confiance, c'est pire que ça. C'est pas que j'ai pas confiance. C'est pire que ça. Je suis sûr. Je suis sûr à 100%. Il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Je suis sûr 100%. C'est de même, je le sens. Dès que je le vois, j'ai l'impression de faire rire de moi. Dès que j'essaie qu'on veut me manipuler. Il y a trop d'affaires qui ne marchent pas, là. C'est plein de détails qui ne marchent pas. Là, Tucker Carlson pose les vraies questions. Ah oui, il y a eu des entrevues, tu ne peux pas poser rien de questions là-dessus. Rien. Si vous le voyez, c'est que c'est pas réel. Dans le sens que si, je veux dire, regardez Trump, plus il l'attaque, plus il est populaire. Arrêtez de l'attaquer, il est dans les médias partout. Hier, la Cour suprême, ce qu'ils ont décrété par rapport à Trump, c'est pas un décret, mais je veux dire ce qu'ils ont décidé. Il n'y a pas un média qui en a parlé. Ils nous parlaient de Biden est sénile. Tout d'un coup, là, les médias sont Biden est sénile. Le fait que les États-Unis sont gouvernés en apparence par quelqu'un de sénile, c'est une façon d'humilier le peuple. C'est une façon d'humilier le peuple américain et la classe moyenne. Ça a été voulu. Puis certaines instances, ils veulent que ce soit évident. C'est pour ça que les journalistes, de plus en plus, ils vont parler de Biden comme quelqu'un de sénile. Ça va faire partie de la réalité officielle. Pourquoi? Moi, c'est ça, je vous demande. Regardons au niveau de la psychologie des masses. Pourquoi, selon vous, en tout cas, ça passe dans les médias, ça, ça, c'est ça. Mais voilà. Et voilà. C'est le même mécanisme dans la fameuse diffusion sur YouTube et Facebook des milliers de théories de terre plate ou même d'autres sujets qui semblent être si importants, sauf que l'info est permise. Ça dépend. Moi, je n'ai eu de la censure sur YouTube. Le dévoilement de notre soumission est prévu dans leur plan depuis la découverte. Oui, c'est parce qu'il faut que ça soit. Faut que ce soit volontaire. Faut que ce soit officiel. Quand vous prêtez serment à un seigneur, il faut vous mettre un genou à terre devant toute sa cour. Puis, je veux dire, c'est comme ça. Ça a tout été comme ça. C'est-à-dire que il y a une longue mise en scène hypocrite, mais l'acte final, il est en pleine lumière. C'est-à-dire que les gens qui vont se mettre un genou à terre, ça va être en connaissance de cause. Puis ça va être grâce à des décennies de conditionnement que ça va être rendu possible. Avec ses cheveux carottes et sa tour en or, tout le même bateau contre les cendres. Ben moi, Trump, à mes yeux, c'est comme le roi Nemrod, qui avait fait élever une tour. Les rois orgueilleux, je veux dire, on est avertis là-dessus, c'est des éleveurs de taux. Pourquoi? Ben, parce que peut-être qu'ils ont un enfant. C'est peut-être lié à leur virilité, je ne sais pas. Faut qu'ils érigent des taux. Souvent des horreurs. La tour Eiffel, c'est pour... bon. Hein? Mona voit Trump revenir. Moi aussi, je le vois Trump revenir. Je le vois revenir, moi aussi. Il n'est jamais parti, Trump. Moi aussi, je le vois revenir. Hein? Hey, ben prenez, aux États-Unis, c'est deux mandats de 4 ans. Bon, dans un agenda sur 10 ans. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Sur un agenda de 10 ans, bon, on ne peut pas faire deux mandats de 4 ans. Puis bon, il fallait qu'il y ait un entracte. Cet entraque-là, c'est Biden. Puis Biden, c'est la personne qui a le plus travaillé à crédibiliser Trump. Ben, Joe Biden, c'est providentiel pour Trump. Il est tellement perdu, il est tellement sénile, il est tellement stupide, puis il a l'air tellement de fou. Joe Biden, élire Joe Biden, c'était le meilleur moyen de s'assurer que Trump revienne. La façon dont les démocrates attaquent Trump dans les médias, ils font sa campagne. Dès qu'il y a une procédure contre lui, il monte en popularité. Logiquement, là, si vraiment les démocrates veulent la perte de Trump, pourquoi ils font tout pour que ça ait l'effet contraire? Qu'on me l'explique, est-ce qu'ils sont idiots à ce point-là? Je pense pas. Dans le fond, moi, je considère les partisans démocrates comme totalement instrumentalisés, totalement manipulés, puis c'est pareil l'autre bord. C'est du théâtre, c'est de la mise en condition. Puis, finalement, l'acte final, on va tout être consentant, un genou à terre, le cul dans les heures. C'est ça qui risque d'arriver. Prenez, c'est comme, admettons que j'ai un gouvernant que je veux me placer, puis je veux que le peuple l'aime. Ben, juste avant lui, je vais mettre un tyran complètement fou. Là, après, l'autre, vous l'amenez comme un libérateur. C'est vieux comme le monde, ces stratégies-là. C'est vieux comme le monde. C'est tellement vieux comme stratégie qu'on pourrait remonter à des exemples dans la haute antiquité. Là. Je veux dire, c'est des... En tout cas... Tout à fait, pour qu'on se rebelle, qu'on voit qu'on se moque de nous et qu'ils puissent mettre leur truc en place. Hein? Fallait capter les de moi. Trump va revenir, il enfoncera le dernier clou. Bon, je le vois de même. C'est peut-être une bonne chose. Le fils à Trump, lequel? Le fils à Biden, là. C'est un peu comme si les républicains ont eu deux mandats et demi. Ben, d'une certaine façon. Mais moi, je le vois vraiment comme ça. Trump va revenir en force parce qu'il y a eu Biden. Je veux dire, il n'y a personne qui va en avoir fait autant pour Trump que Biden, puis son équipe. Puis l'autre, là, Kamala Harris, qui a fait ses études à Montréal, puis qui ne voulait même pas adresser la parole aux francophones. On a des témoignages. Vous voyez, là, c'est ça, ouvrir les universités. Hein? Le tiers-monde vient s'instruire ici. Après, il nous fait la leçon. Ben, je suis désolé. Mais certains quartiers de Chicago puis de Philadelphie, c'est le tiers-monde. Kamala Harris, ça vient du tiers-monde. Désolé. Ah oui, c'est bien beau. C'est comme quand il y a un footballer, là, j'ai grandi à Montréal. Ça va nous être donné un exemple, ça. Ouais, t'as réussi ta formation. T'as été parfaitement formé pour la job que tu vas faire, là. Puis t'es un esclave. C'est pour ça qu'ils vous prennent dans ces coins-là. Va falloir que j'arrête, je pense que ma connexion va pas bien. En tout cas, comme ici avec Tipit. Il y a toujours des faibles qui vont croire que les lutteurs de la WWF combattent vraiment. C'est pas qu'ils sont faibles. Créer un problème puis apporter la solution en se faisant passer pour le sauveur. Et voilà. Ben, c'est vieux comme le monde. C'est des vieilles stratégies. Puis ça fonctionne encore. Bonjour, Roselyne. À mon avis, Trump va réellement aider les gens à ouvrir les yeux. Moi, ça doit. Oh, Baron Trump. Traite là, c'est quoi Baron? C'est qui Baron? Ça vient d'où ce Baron? Vous dites, j'ai vu ça quelque part, Baron. Non? C'est un nom qui est très connu en go ici, Baron. Jusqu'à les Français l'appellent Baron. Là. Lui, il est supposé de dire il est où des traits. Non, qui est accusé d'avoir invoqué Baron, c'est. Voyons, comment il s'appelait lui? Il était grand maréchal de France. Jules de Rais. Pourquoi appeler son fils d'un nom de même? Bon, du coup, j'ai un doute sur le fait que Trump fasse son mandat jusqu'au bout. Mais moi, je suis en tout cas qu'il revient. Ça, c'est sûr. Parce que c'est trop bien fait. S'il y a une mise en dessous, en tout cas, ça va fonctionner. Il y en a, ils vont être contents. Mais là, sur le long terme, on verra. Mais pour pouvoir le faire, il doit être au pouvoir et donc utiliser des tactiques vieilles comme la lune. Mais oui. Ils sont pas faibles, ils sont pas forts. Ils sont pas forts, moi. J'ai pas l'option de voir autre chose qu'il y a des ressemblances à la Révolution française dans l'accumulation de la confusion et de l'énergie dispersée de la masse de jour en jour. Oui, c'est les mêmes affaires. De la même façon que, c'est la finance. Comme, prenez la Révolution française. C'est la finance. C'est un coup d'État par la finance. Elle a été commanditée par d'autres têtes couronnées concurrentes. Mais prenez Madame de Pompadour, ça vient de la finance, elle a été dressée par. Pourquoi acheter des petites filles dans les bras de Louis XV? Des petites filles, c'est encore pareil. Epstein, c'est quoi? C'est quoi Epstein? C'est la même affaire. C'est la même chose. Il n'y a pas du bon, ils ne savent pas. Pensez-vous qu'ils vont enseigner ça dans les cours d'histoire en France aux élèves, que Louis XV se faisait, que Louis XV, Jeanne Poisson, Madame de Pompadour, a été dressée par des financiers, elle était jetée dans les bras du roi comme un petit chien savant. Puis qu'après, quand elle s'est mis à prendre de l'âge, étant donné les goûts que le roi avait, ben elle, c'était la maquerelle qui amenait des petites filles à Louis XV. Pis... C'est encore comme ça. C'est encore comme ça. C'est pour ça, à un moment donné, il y a des années de ça, ça doit faire 5 ans. Je dis à Trump, je ne sais pas par quoi ils tiennent, mais ils tiennent par quelque chose. C'est peut-être quelque chose comme ça. Il y en a, c'est sûr, ça va les choquer que je dise ça. Mais vous vous imaginez quoi, là? Moi, quand on m'explique pourquoi est-ce que un gars qui vient d'une famille liée à l'immobilier, qui ont tout le temps été démocrates, traditionnellement, qui a appuyé la campagne de Bill Clinton en 1993, un gars qui a tout le temps été de gauche, traditionnellement, les Trump, c'est des. Bon. Quand ça, tout d'un coup, il est droit républicain, anti-Clinton, c'est ses amis. C'était ses amis. Tout est reviré. D'un coup de même, là, en quelques années. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est des démocrates de New York. On sait c'est quoi New York? Voyons donc. Les familles de New York. Tu sais, c'est. Faut avoir du monde pincé puis guindé. D'habitude, c'est du monde de droite. À New York, c'est du monde de gauche. Dis-tu les madames riches de New York, là, avec les grosses lunettes chères, là, qu'eux autres, ils ont pas, ça leur dérange. C'est une des rares places où tu peux voir du monde riche puis guindé à ce point-là se promener en taxi. C'est assez spécial, là. Parce qu'il y a d'autres coins dans le monde que des gens de ce niveau-là ne se promèneraient même pas en taxi. Hein? Bon, du coup. Bon, je vais en lire un dernier, puis j'y vais. Galère, j'en ai-tu manqué? OK. Bonjour, Christine. Galère, Giscard d'Estaing. Un jeu de mots avec Giscard d'Estaing. Pourquoi ils l'ont appelé de même, Valérie Giscard d'Estaing? T'en veux d'autres preuves que les personnes sont prédestinées avant d'être au monde? Ben là, prédestinée avant d'être au monde, ça dépend de quoi on parle. Parce que de la petite programmation d'intrigue dans notre beau monde, puis il y a le reste. Mais prenez Giscard d'Estaing, la France-Afrique. La France-Afrique. Ce serait bien que nos ancêtres soient pas. Bon, des fois, je chiale contre les Britanniques. Mais bon, c'est pas, je veux dire, nous aussi, on est, bon, ça aurait pas été eux, ça aurait été nous. Hein? Toujours un plaisir, passez une belle journée. Ben, merci à vous, puis bonne journée à tous, puis bonne journée. Puis là, j'espère que mon œil n'est pas trop choqué contre moi, là. Ben. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Trump, je l'aimerai jamais. C'est ça. Bon, je suis même pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas pour dire le contraire, là. Ce que je pense. Aucune confiance en Trump. Aucune. Quand on nous offre une solution là, sur un plateau d'argent providentiel, là, hein, c'est certain. Si c'est certain, on en a parlé. Moi, mais en tout cas, hein, ben, prenez. Moi, je pense qu'un jour, Trump, il va aller en pèlerinage au palais de Sans Souci. Hein? Dans le coin de ses ancêtres. Et puis, on arrive à discuter poliment ensemble, malgré qu'on puisse avoir des désaccords. Oui. Bon, de toute façon, quand c'est pas possible. Bon, ben, bonne journée à tous. Au revoir.